Le 7 juin, le haut lieu révolutionnaire de Midim a abrité un rendez-vous consacré au 70e anniversaire du premier repiquage de riz effectué par le président Kim Il-sung après la libération nationale. Y ont participé le vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, Kwak Bom-gi, les cadres intéressés, les fonctionnaires et les chercheurs des instituts agronomiques, les enseignants et les étudiants de l'école supérieure Kim Bo-hyun et autres agriculteurs. Le rapporteur a dit entre autres. Malgré le temps pressé pour l'édification d'une nouvelle patrie, le président Kim Il-sung a inspecté le 7 juin de l'an 36 du Juche 1947 le champ d'expérimentation agricole de Pyongyang d'alors, situé sur la plaine de Midim, pour livrer le repiquage de riz. Plus tard, il y est venu plusieurs fois à énumérer les orientations et les moyens pour développer la science agronomique et à fonder un institut agronomique pour ainsi faire opérer de grands changements. En compagnie du président Kim Il-sung et de Madame Kim Jong-suk, héroïne anti-japonaise, le général Kim Jong-il a visité plusieurs fois la plaine de Midim pour tantôt travailler la terre, tantôt donner la tâche de mener de façon originale les recherches scientifiques et d'étudier les espèces de riz conformes aux conditions du pays, et a dispensé tous les efforts pour le développement agricole. Au terme du rassemblement, les participants ont fait le tour de la rizière où le président avait fait du repiquage.